Une chaussure, talon blanc dessus noir. Tous les matins, sur le bord de la route. Qu'est-ce qu'elle fait là? Quelle est son histoire? Elle ne dit rien, elle est fâchée sans doute. Un vieux bouquin passé par-dessus bord. Il y a longtemps, mais j'y repense encore. Tous les matins, quand je vois la chaussure, ça me revient comme une déchirure. Peut-être un chien viendra la ramasser, un bon samaritain ou quelqu'un du quartier. Peut-être bien que je m'arrêterai demain matin, franchement ça m'étonnerait. Petite balade, après-midi charmante. Chemin du retour, soudain ça dérape. Dialogue de sourds et le bouquin s'échappe. Peut-être un chien viendra le ramasser. Un bon samaritain ou quelqu'un du quartier. Peut-être bien que je m'arrêterai. Nanana, franchement ça m'étonnerait. Peut-être un chien viendra le ramasser. Un bon samaritain ou quelqu'un du quartier. Peut-être bien que je m'arrêterai demain matin. Franchement, ça m'étonnerait. Bouquin, papier blanc dessus noir. Tous les matins sur le bord de la route. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est une vieille histoire. Je ne dis rien, je suis fâchée sans doute.